بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد فأجودي donc le 8 du mois de Rabi' al-Awwal de l'année 1442 après les ordres de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous réunissons ici pendant un court instant pour évoquer des passages de la vie d'un savant rahimahullah ta'ala qui est mort il y a quelques jours, qui est Ash-Shaykh Falah Ibn Ismail Mandakar rahimahullah ta'ala. Ses biographies, comme je l'ai dit, ou ses brèves biographies, comme je l'ai évoqué, ils feront partie de notre cours, de notre explication, de notre lecture et bref commentaire du livre de Cheikh Rabi' Tazkirun Nabihin, donc rappel aux avisés des passages de la vie de leurs prédécesseurs, les gardiens du hadith, ceux qui ont précédé et ceux qui les ont rejoints, comme je l'ai traduit approximativement. Nous avions commencé ce cours, ce nouveau cours, mercredi il y a deux semaines, avec la brève biographie de Cheikh Al-Allama Muhammad Ibn Ali Ibn Adam Al-Ethiopi Rahimahullah Ta'ala, qui faisait partie des grands savants de Mecca, d'origine d'Éthiopie, comme nous l'avions évoqué précédemment. Et ceci sur la base de la parole de Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, comme je l'avais évoqué, qui est une parole très importante. Apprenez-la, retenez-la. Où il dit, rahimahullah azza wa jal, Shattan bayna aqwam mawta tahya al-qulubu bi dhikrihim wa bayna aqwam أحياء تموت القلوب بمخالطتهم. Ce qui veut dire dans le sens approximatif de ces paroles, il y a une grande différence entre des gens qui sont morts et que les cœurs revivent à leur évocation, et entre des gens qui sont en vie et dont les cœurs meurent à leur contact. En effet, parmi les choses qui nous aident dans notre religion, qui nous donnent l'envie de faire des efforts, en particulier dans l'apprentissage de la science, l'étude de la biographie des savants de l'islam. À commencer par nos pieux prédécesseurs, As-Sahaba, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ceux qui les ont suivis dans le bien, At-Tabi'un, ceux qui les ont suivis aussi dans le bien, Atba'u At-Tabi'in, et ceux qui les ont suivis après cela. Et il n'y a pas de doute, comme vous le savez, que la mort du savant est une grande épreuve pour la communauté du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et c'est une fissure, une faille dans l'islam qui ne sera jamais rebouché, comme l'a dit Al-Hassan al-Basri, rahimahullah ta'ala. Comme cela, comme vous le savez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé qu'Allah azza wa jal ne reprendra pas la science en l'arrachant des poitrines des gens, mais plutôt il reprendra la science par la mort des savants, comme il est venu dans le hadith, qui est authentique et rapporté dans les deux recueils authentiques, Al-Bukhari wa Muslim. Comme cela, vous le savez aussi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé que les savants sont les héritiers des prophètes. Ici, nous étudions donc la biographie de ces héritiers, ceux qu'ils ont hérité du meilleur des héritages, la science profitable et la religion de droiture. Ils l'ont hérité du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et l'ont donné en héritage. Ici, l'un de nos savants qui est mort il y a quelques jours, qui s'appelait Falah Ibn Ismail Ibn Ahmed Mandakar, sa cognée a été Abu Muhammad. Ce dernier est mort il y a quelques jours, donc en l'an grégorien 2020 et en l'an égyrien 1442. Ici j'ai la date de sa naissance, simplement en grégorien. Il est né en 1950. C'est-à-dire qu'il est mort à 70 ans. Ash-Shaykh était un savant koweïtien, de nationalité koweïtienne, et il est mort là-bas dans son pays, le Koweït. Rahimahullah. Ici, il y a dans certaines biographies que nous allons étudier, certains points, ou que nous allons évoquer, certains points qui vont nous aider, comme je l'ai dit, qui vont nous enjoindre à l'étude de la science, à la meilleure pratique de notre religion. Parmi ces points que je peux évoquer ici dans la biographie de notre cheikh ici, rahimahullah, ce qui concerne son étude de la science, son apprentissage de la science. Écoutez, le cheikh a commencé à apprendre la science légiférée, l'ilm shar'i, après avoir été enseignant d'anglais. C'est-à-dire que cheikh avait fait des études d'anglais. Et il était enseignant, donc il travaillait déjà, il était enseignant de la langue anglaise. Et lorsqu'il commença à étudier uniquement la science légiférée, l'ilm shar'i, ce dernier avait 26 ans. 26 ans. Parfois on entend des frères qui disent « moi je suis trop vieux, là c'est plus possible pour moi, les informations ne rentrent pas ». Et Cheikh Salah, rahmatullah alayh, est un exemple dans cela. D'autres parmi les ulama, comme nous le verrons, parmi les pieux, nos pieux prédécesseurs, parmi ceux qui les ont suivis aussi, qui ont commencé après cela encore. Cheikh, rahmatullah alayh, a donc commencé l'étude de la science à 26 ans. Il décida donc de voyager pour étudier la science et reprendre ses études, car bien sûr il avait déjà un diplôme dans la langue anglaise. Donc il reprit ses études à l'université islamique de Médine, Al-Jami' al-Islamiyya. Il commença donc cela en 1976, donc à ses 26 ans. Et à Médine, et le même laquelle Arabie al-Suhidiyya, Bilad al-Tawhid wa Sunnah, Harasahallah, Shir accompagna et étudia auprès de nombreux savants. Lors de son étude de la science dans l'université, ainsi que à l'extérieur de l'université, comme dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il étudia les sciences de la religion, la croyance et l'aqidah, les sciences du hadith, les sciences de la terminologie du hadith al-mustalah, les sciences du fiqh, de la jurisprudence, ainsi que ses fondements al-usul, comme cela les règles jurisprudentielles al-qawaid al-fiqhiyya, comme cela la science de la langue arabe, du tafsir et autres que cela. Al-Shir a pris d'abord, a acquis d'abord une licence avec comme degré, comment ils disent en français, pour ceux qui ont des diplômes ici, la mention Ahsantum, avec mention excellent, avec mention excellent. Inch'Allah, votre frère Ahmadou, il prend la mention excellent Al-Jami' al-Islamiyya, Inch'Allah, Azzawajal. Puis il prit ce qu'on appelle le magistère, qui équivaut environ au master, il prit aussi la mention excellent. Et il eut aussi, ou il acquit aussi un doctorat avec la mention très bien, en écrivant une thèse, comme il l'appelle donc une thèse, qui s'appelait Al-Alaqatu Bayn al-Tasawwuf wa al-Tashayyu', c'est-à-dire la relation entre al-Tasawwuf, pardon, donc le soufisme, wa al-Tashayyu', le chiisme. Comme nous allons voir après, c'est un livre qui a été édité. Parmi les savants chez qui il étudia, beaucoup de grands savants, parmi eux, je me contenterai de certains, parmi eux, Al-Allama Abdul Aziz ibn Abdillah ibn Baz, rahimahullah ta'ala, comme cela, Al-Shir Al-Albani, Muhaddith Al-Asr, rahimahullah azza wa jal, comme cela, Al-Shir Muhammad ibn Salih Al-Uthaymin, rahimahullah, comme cela, Al-Shir Al-Fouzan, Salih Al-Fouzan, hafidahullah ta'ala, comme cela, Al-Shir Hamad ibn Muhammad Al-Ansari, Muhaddith Al-Madina, le savant du hadith de la ville de Médine. Avant, Al-Shir Abdel Mouhsin Al-Abbad, qui est actuellement celui qu'on appelle Muhaddith Al-Madina, qui était parmi aussi les grands enseignants de Cheikh Falah. Et Cheikh Falah était très proche de Al-Shir Hamad Al-Ansari. Il était très proche de lui, il allait souvent le visiter chez lui, lisait sur lui des livres et a beaucoup pris de lui. À l'université, comme en dehors de l'université, comme cela, Cheikh Abdel Mouhsin Al-Abbad, qui lui-même, Cheikh Abdel Mouhsin, fait partie des élèves de Cheikh Hamad Al-Ansari. Ceci est quelque chose aussi de très étonnant lorsque tu vois la biographie des savants. Tu vois qu'un tel parmi les savants a pris du shir de son élève, parfois de l'élève de son élève, parfois du fils de son shir, etc. Et sans sentir quoi que ce soit dans son cœur comme rabaissement, car il fait cela pour Allah, tabaraka wa ta'ala, afin d'apprendre la religion d'Allah, azza wa jal. Il prend du shir, ils peuvent être à deux à étudier chez le même shir, mais il va aussi apprendre chez cet élève qui l'a beaucoup dépassé en science, en âge, en science, parfois même pas en âge, simplement en science. C'est une chose qui est très importante à relever. Comme cela, le Cheikh Al-Allama Mohamed Aman Al-Jami, rahimahullah azza wa jal. Comme cela, comme je l'ai dit, Cheikh Abdel Mohsen Abbas, comme cela, le Cheikh Al-Allama Ali ibn Nasr Al-Faqihi, qui fait partie des grands savants de Médine, hafidahullah, qui est toujours en vie. Aussi, lorsque j'évoque tous ces noms-là, afin que vous puissiez profiter d'eux lorsque vous voyagez vers Al-Médina ou Mecca. Cheikh Ali ibn Nasr Al-Faqihi, qui fait partie des très grands savants de Médine, qui est encore enseignant dans la mosquée du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Comme cela, Cheikh Al-Allama Ubayd Al-Jadiri, hafidahullah ta'ala. Comme cela, Cheikh Ali ibn Abdurrahman Al-Hudayfi, qui fait partie des imams de la mosquée du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Comme cela, Cheikh Al-Allama Umar, الشيخ العلامة عمر ابن محمد فلاتة que j'ai évoqué dans la biographie que j'ai faite de notre cheikh et notre père Hassan ibn عبد الوهاب البنا رحمه الله تعالى qui faisait partie donc cheikh محمد الشيخ عمر بن محمد فلاتة qui faisait partie de ses grands enseignants qu'il affectionnait tout particulièrement et cela que j'ai évoqué donc ces noms que j'ai évoqués de ces grands savants ne sont qu'une partie des savants chez qui Cheikh Falah a étudié, rahimahullah azza wa jal, et je me suis contenté des savants les plus connus et les plus de renommée, ceux qui sont le plus de renommée. Cheikh Falah était connu pour ceux qui le connaissaient, parmi ses élèves, parmi ceux qui l'ont déjà rencontré, et bien sûr, je le dis, c'est un honneur pour moi, comme pour certains frères qui sont ici, de l'avoir déjà rencontré, d'avoir déjà assisté à certaines de ses assises et d'avoir aussi pu profiter de lui par téléphone avec des appels pour lui poser certaines questions, lui demander son avis sur certains points. Ceci est une chose qui nous convient aussi de faire et c'est pour cela que nous étudions cela et que nous nous rappelons à la mort de certains de nos savants. Nous nous rappelons aussi cette parole d'Abu Darda que j'ai déjà évoquée précédemment et il dit radiyallahu anhu, il dit ma li ara ulama'akum yadhhabun wa juhalakum la yata'allamun ta'allamu al-ilm qabla an yuqbad fa inna qabd al-ilm bi mawt al-ulama. Qu'en est-il? Je vois vos savants partir, mourir et vous ignorants ne pas apprendre, continuez à ne pas apprendre. Apprenez donc la science avant qu'elle soit reprise, car la science est reprise par la mort des savants. Ici, on se fait ce rappel-là. Alhamdulillah pour ceux qui ont profité de nos savants avant leur mort. C'est un honneur pour eux. Alhamdulillah. Et comme cela, je dirais aussi une parole qui est très importante. Les savants disent « El-ilmu rahimun bayna ahlihi ». C'est-à-dire que la science est un lien de parenté entre les gens de science. L'élève a un lien aussi fort qu'un lien de parenté avec son professeur. Parfois, plus fort encore que le lien qu'il a avec son propre père. Ceci est très important. Et c'est pour cela, c'est un honneur de rappeler cela, le fait d'avoir profité de tels parmi les ulama qui sont morts, comme Cheikh Falah ici, d'avoir assisté à ses cours, d'avoir pu l'avoir au téléphone à plusieurs reprises, comme cela. Je ne l'avais pas évoqué la dernière fois, Cheikh Mohamed Ali Adam Al-Thiobi, l'allama rahmahullah ta'ala, où j'avais l'habitude de l'appeler, parfois comme je l'ai évoqué à certains de vos frères, l'appeler d'une cabine téléphonique, une vieille cabine téléphonique devant la mosquée de la ville de Melun, il y a de ça plus de 10 ans. Des choses qu'il faut se remémorer et essayer d'avancer et de profiter de ces savants et de ne pas délaisser le fait de revenir vers eux. Car en effet, Allah Azza wa Jalla nous a ordonné dans 2 versets de son livre, « Fas'alou ahla dhikri in kuntum la ta'lamoun » donc demandez aux gens du rappel si vous ne savez pas. Et ceci est un honneur de rappeler cela. « Rahimahullah, tabaraka wa ta'ala » Le Cheikh était, pour ceux qui le connaissent, quelqu'un qui avait un très bon comportement, qui était toujours souriant, qui avait l'habitude d'être modeste avec ses élèves, avec ceux qui ne sont pas ses élèves, avec ceux qui ont plus de science que lui. Parmi les grands savants, était modeste avec eux, comme cela avec ceux qui avaient moins de science parmi ses élèves, il avait l'habitude d'être modeste avec eux. Ceci est une chose qui était connue. Il aimait aussi beaucoup ceux qui suivaient cette voie, la voie de nos pieux prédécesseurs, les gens de la Sunna et du groupe. Il les aimait d'un amour qui était palpable à sa rencontre lorsqu'il parlait de eux. Et Ashir, cette chose-là, est une chose qui est connue de l'ensemble des gens qui l'ont côtoyé et même ceux qui l'ont écouté, qui ont écouté certains de ses cours qu'il a laissés derrière lui. Comme cela, l'ensemble d'entre eux attestent de sa force dans la science et en particulier dans la science de l'aqidah, de la croyance. Car comme j'ai omis de le rappeler, ces diplômes qu'il a eu à l'université de Médine étaient dans la section de la croyance. Et Shir était vraiment quelqu'un qui avait une science profonde de la croyance islamique. Les efforts que Shir a laissé derrière lui, le grand nombre de cassettes, et aujourd'hui donc on dit de MP3 ou d'audio, qu'il a laissé derrière lui, parmi cela il a expliqué l'usul al-thalatha, kashf al-shubuhat, l'usul al-sitta, fath al-majid. Il a expliqué aussi l'aqidah al-wasitiyya, comme cela al-fatwa al-hamawiyya, ces deux derniers de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, comme cela l'aqidah al-tahawiyya, comme cela Sharh al-Sunnah de l'imam al-Barbahari, comme cela le livre al-Sharia de l'imam al-Ajurri, comme cela il explique à des livres de fiqh comme al-Udda, fi Sharh al-Umda, et autres que cela, comme al-Arba'in al-Nawawiyya, comme cela Kitab al-Tawhid de Sahih al-Bukhari, comme cela Kitab al-Irshad et la Sahih al-I'tiqad de Al-Allama Salih al-Fouzan, comme cela Al-Qawa'id al-Muthla fi l'Asma' wa Sifat de Cheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah, et autres que cela. Et comme cela, il laissa derrière lui un certain nombre d'ouvrages. Parmi ces ouvrages, celui que j'ai évoqué précédemment, qui était sa thèse de doctorat, comme cela sa thèse de magistère, comme cela il laissa certains livres, comme par exemple un livre concernant Al-Takfir, donc Ashir bien sûr répute cette voie égarée de Al-Takfir. Il laissa aussi un livre qui traita de Ar-Ruqya Ash-Shara'iyya, comme cela un livre concernant la croyance des gens de la Sunna, concernant As-Sahaba, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, wa radiyallahu anhum ajma'in, comme cela la croyance des gens de la Sunna concernant la prédestination Al-Qadar, comme cela un livre qu'il avait nommé Al-Asha'ira laysu min ahli sunnati wal jama'a, donc Al-Asha'ira ne sont pas parmi les gens de la Sunna et du groupe, comme cela d'autres livres et d'autres paroles, plusieurs de ces livres qui étaient des aides-mémoires qu'il a écrits pour les étudiants des universités, en particulier l'université du Koweït, où Cheikh donnait cours depuis de longues années. Il donnait cours de Aqida dans l'université du Koweït. Et il aida beaucoup à constituer les al-manahij, c'est-à-dire les manuels scolaires dans cette université concernant al-tarbiya al-islamiyya, c'est-à-dire l'éducation islamique. Et ceci sur la demande du ministère de l'éducation koweïtienne. Et ici se termine cette brève présentation de notre cher Falah ibn Ismail ibn Ahmed Mandakar, Abu Muhammad, rahmahullah ta'ala, rahmatan wasi'a. Wa ila huna wa billahi tawfiq wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.